Et maintenant, on a les deux verbes gogo qui vont toujours ensemble, qui vont de pair, parce qu'ils se comportent de la même manière. Dire et faire. Comment dit-on jeudi? Decir? Je dis. Digo. Digo, oui. Et je fais? Hago. Hago. Ce sont deux formes courtes. Digo et hago. Et pour le futur, on enlève le go final. Donc, dans le cas de digo, on se retrouve avec di. Et on y ajoute la terminaison re de la première personne du singulier du futur, hein, du je. Et donc, ça donne diré pour je dirai. À l'oral, en fait, diré ressemble d'ailleurs beaucoup au français, dirai, bien que ça ne s'écrive pas de la même manière. Donc, au lieu de partir de l'infinitif comme pour les autres verbes, là, ce n'est pas défilé, mais diré. Pour dire je ferai, c'est la même chose. Donc, je ferai se dit. Arré. Arré. H-A-R-E, accent aigu. Arré. Donc, je ne le ferai pas. No lo haré. No lo haré. Et je vous dirai plus tard pourquoi nous ne le ferons pas. Vous vous adressez à usted. Dirai. Je vous dirai, à usted. Le dirai más tarde. Más tarde. D'accord. Le dirai más tarde. Pourquoi nous ne le ferons pas? Porque no. Nous ne le ferons pas. No lo haremos. D'accord. No lo haremos. Hein? C'est ça. Le diré más tarde. ¿Por qué no lo haremos? Et comment dit-on il ne me dira rien? No me diré. No me diré, c'est je ne me dirai pas, hein, à moi-même. Ah oui. Je vous ai demandé il ne me dira rien. Hein? Il ne me dira rien. No me dira nada. C'est ça. Hein? No me dira nada. Dira. C'est facile. C'est la même forme qu'en français. Dira. À la seule différence qu'en espagnol, dira porte un accent aigu sur le A. Il ne me dira pas pourquoi il ne le fera pas. No me dira por qué no hará. No. No me dira por qué no hará. Encore une fois, pourquoi il ne le fera pas? Porque. Ah oui, porque no lo hará. D'accord, hein? Porque no lo hará. C'est ça. Hein? No me dirá porque no lo hará.